je m'écriai, grand Dieu, je suis rompu et brisé de coups, et pour surcroît d'affliction, on me condamne encore à avoir la main coupée. Et pourquoi? Pour avoir mangé d'un ragoût à l'ail et avoir oublié de me laver les mains. Quelle colère pour un si petit sujet! Peste soit du ragoût à l'ail, maudit soit le cuisinier qui l'a apprêté et celui qui l'a servi. La sultane Scheherazade, remarquant qu'il était jour, s'arrêta en cet endroit. Schahriar se leva en riant de toute sa force de la colère de la dame favorite, et fort curieux d'apprendre le dénouement de cette histoire. Fin de la 124e nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public. Cent vingt-cinquième nuit des Mille et Une Nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Le lendemain, Scheherazade, réveillée avant le jour, reprit ainsi le fil de son discours de la nuit précédente. « Toutes les dames, dit le marchand de Bagdad, qui m'avaient vu recevoir 1000 coups de nerf de bœuf, eurent pitié de moi lorsqu'elles entendirent parler de me faire couper la main. Notre chère sœur, notre bonne dame, dirent-elles à la favorite, vous poussez trop loin votre ressentiment. C'est un homme à la vérité qui ne sait pas vivre, qui ignore votre rang et les égards que vous méritez, mais nous vous supplions de ne pas prendre garde à la faute qu'il a commise et de la lui pardonner. Je ne suis pas satisfaite, reprit-elle. Je veux qu'il apprenne à vivre et qu'il porte des marques si sensibles de sa malpropreté qu'il ne s'avisera de sa vie de manger d'un ragoût à l'ail sans se souvenir ensuite de se laver les mains. » Elles ne se rebutèrent pas de son refus. Elles se jetèrent à ses pieds et, lui baisant la main, « Notre bonne dame, lui dirent-elles, au nom de Dieu, modérez votre colère et accordez-nous la grâce que nous vous demandons. » Elle ne leur répondit rien, mais elle se leva, et après m'avoir dit 1000 injures, elle sortit de la chambre. Toutes les dames la suivirent et me laissèrent seule dans une affliction inconcevable. Je demeurai 10 jours sans voir personne qu'une vieille esclave qui venait m'apporter à manger. Je lui demandai des nouvelles de la dame favorite. « Elle est malade, me dit la vieille esclave, de l'odeur empoisonnée que vous lui avez fait respirer. Pourquoi aussi n'avez-vous pas eu soin de vous laver les mains après avoir mangé de ce maudit ragoût à l'ail ? Est-il possible, dis-je alors en moi-même, que la délicatesse de ces dames soit si grande et qu'elles soient si vindicatives pour une faute si légère ? J'aimais cependant ma femme malgré sa cruauté, et je ne laissais pas de la plaindre. Un jour, l'esclave me dit, « Votre épouse est guérie, elle est allée au bain, et elle m'a dit qu'elle vous viendra voir demain. Ainsi, ayez encore patience et tâchez de vous accommoder à son humeur. C'est d'ailleurs une personne très sage, très raisonnable et très chérie de toutes les dames qui sont auprès de Zobéide, notre respectable maîtresse. » Véritablement, ma femme vint le lendemain et me dit d'abord, « Il faut que je sois bien bonne de venir vous revoir après l'offense que vous m'avez faite. Mais je ne puis me résoudre à me réconcilier avec vous que je ne vous ai puni comme vous le méritez pour ne vous être pas lavé les mains après avoir mangé d'un ragoût à l'ail. » En achevant ces mots, elle appela des dames qui me couchèrent par terre par son ordre et, après qu'elles m'eurent lié, elle prit un rasoir et eut la barbarie de me couper elle-même les 4 pouces. Une des dames m'appliqua d'une certaine racine pour arrêter le sang, mais cela n'empêcha pas que je m'évanouisse par la quantité que j'en avais perdue et par le mal que j'en avais souffert. Je revins de mon évanouissement et l'on me donna du vin à boire pour me faire reprendre les forces. « Ah, madame, dis-je alors à mon épouse, si jamais il m'arrive de manger d'un ragoût à l'ail, je vous jure qu'au lieu d'une fois, je me laverai les mains 6-20 fois avec de l'alcali, de la cendre de la même plante et du savon. » « Eh bien, dit ma femme, à cette condition, je veux bien oublier le passé et vivre avec vous comme avec mon mari. Voilà, messeigneurs, ajouta le marchand de Bagdad en s'adressant à la compagnie, la raison pourquoi vous avez vu que j'ai refusé de manger du ragoût à l'ail qui était devant moi. Le jour, qui commençait à paraître, ne permit pas à Scheherazade d'en dire davantage cette nuit. Mais le lendemain, elle reprit la parole dans ces termes. Fin de la 125e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. 126e nuit des mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, le marchand de Bagdad acheva de raconter ainsi son histoire. Les dames n'appliquèrent pas seulement sur mes plaies de la racine que j'ai dite pour étancher le sang. Elles y mirent aussi du baume de la Mecque, qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être falsifié puisqu'elle l'avait pris dans l'apothicairerie du calife. Par la vertu de ce baume admirable, je fus parfaitement guéri en peu de jours, et nous demeurâmes ensemble, ma femme et moi, dans la même union que si je n'eusse jamais mangé de ragoût à l'ail. Mais, comme j'avais toujours joui de ma liberté, je m'ennuyais fort d'être enfermé dans le palais du calife. Néanmoins, je n'en voulais rien témoigner à mon épouse, de peur de lui déplaire. Elle s'en aperçut. Elle ne demandait pas mieux elle-même que d'en sortir. La reconnaissance seule la retenait auprès de Zobéide, mais elle avait de l'esprit, et elle représenta si bien à sa maîtresse la contrainte où j'étais de ne pas vivre dans la ville avec des gens de ma condition comme j'avais toujours fait, que cette bonne maîtresse aima mieux se priver du plaisir d'avoir auprès d'elle sa favorite, que de ne lui pas accorder ce que nous souhaitions tous deux également. C'est pourquoi, un mois après notre mariage, je vis paraître mon épouse avec plusieurs eunuques qui portaient chacun un sac d'argent. Quand ils se furent retirés, « Vous ne m'avez rien marqué, dit-elle, de l'ennui que vous cause le séjour de la cour. Mais je m'en suis bien aperçu, et j'ai heureusement trouvé moyen de vous rendre content. Zobéide, ma maîtresse, nous permet de nous retirer du palais, et voilà 50 000 sequins dont elle nous fait présent pour nous mettre en état de vivre commodément dans la ville. Prenez-en 10 000 et allez nous acheter une maison. » J'en eus bientôt trouvé une pour cette somme, et l'ayant fait meubler magnifiquement, nous y allâmes loger. Nous prîmes un grand nombre d'esclaves de l'un et l'autre sexe, et nous nous donnâmes un fort bel équipage. Enfin, nous commençâmes à mener une vie fort agréable. Mais elle ne fut pas de longue durée. Au bout d'un an, ma femme tomba malade et mourut en peu de jours. J'aurais pu me remarier et continuer de vivre honorablement à Bagdad, mais l'envie de voir le monde m'inspira un autre dessein. Je vendis ma maison et, après avoir acheté plusieurs sortes de marchandises, je me joignis à une caravane et passai en Perse. De là, je pris la route de Samarcande, d'où je suis venu m'établir en cette ville. « Voilà, sire, dit le pourvoyeur qui parlait au sultan de Casgar, l'histoire que raconta hier ce marchand de Bagdad à la compagnie où je me trouvais. « Cette histoire, dit le sultan, a quelque chose d'extraordinaire. Mais elle n'est pas comparable à celle du petit bossu. » Alors, le médecin juif, s'étant avancé, se prosterna devant le trône de ce prince et lui dit en se relevant, « Sire, si votre majesté veut avoir aussi la bonté de m'écouter, je me flatte qu'elle sera satisfaite de l'histoire que j'ai à lui conter. » « Eh bien, parle, lui dit le sultan, mais si elle n'est pas plus surprenante que celle du bossu, n'espère pas que je te donne la vie. » La sultane Scheherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. Fin de la 126e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. 127e nuit des mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, dit-elle, le médecin juif, voyant le sultan de Casgar disposé à l'entendre, prit ainsi la parole. Histoire racontée par le médecin juif. Sire, pendant que j'étudiais en médecine à Damas et que je commençais à y exercer ce bel art avec quelque réputation, un esclave me vint quérir pour aller voir un malade chez le gouverneur de la ville. Je m'y rendis et l'on m'introduisit dans une chambre où je trouvai un jeune homme très bien fait, fort abattu du mal qu'il souffrait. Je le saluai en m'asseyant près de lui. Il ne répondit point à mon compliment, mais il me fit un signe des yeux pour me marquer qu'il m'entendait et qu'il me remerciait. Seigneur, lui dis-je, je vous prie de me donner la main que je vous tâte le pouls. Au lieu de tendre la main droite, il me présenta la gauche, de quoi je fus extrêmement surpris. Voilà, dis-je en moi-même, une grande ignorance de ne savoir pas que l'on présente la main droite à un médecin et non pas la gauche. Je ne laissai pas de lui tâter le pouls et, après avoir écrit une ordonnance, je me retirai. Je continuai mes visites pendant 9 jours, et toutes les fois que je lui voulus tâter le pouls, il me tendit la main gauche. Le 10e jour, il me parut se bien porter, et je lui dis qu'il n'avait plus besoin que d'aller aux mains. Le gouverneur de Damas, qui était présent, pour me marquer combien il était content de moi, me fit revêtir en sa présence d'une robe très riche, en me disant qu'il me faisait médecin de l'hôpital de la ville et médecin ordinaire de sa maison, où je pouvais aller librement manger à sa table quand il me plairait. Le jeune homme me fit aussi de grandes amitiés et me pria de l'accompagner aux mains. Nous y entrâmes, et quand ces gens l'eurent déshabillé, je vis que la main droite lui manquait. Je remarquai même qu'il n'y avait pas longtemps qu'on la lui avait coupée. C'était aussi la cause de sa maladie, que l'on m'avait cachée, et tandis qu'on y appliquait des médicaments propres à le guérir promptement, on m'avait appelé pour empêcher que la fièvre qu'il avait prise n'eût de mauvaise suite. Je fus assez surpris et fort affligé de le voir en cet état. Il le remarqua bien sur mon visage. Médecin, me dit-il, ne vous étonnez pas de me voir la main coupée. Je vous en dirai quelque jour le sujet et vous entendrez une histoire des plus surprenantes. Après que nous fûmes sortis du bain, nous nous mîmes à table. Nous nous entretînmes ensuite et il me demanda s'il pouvait, sans intéresser sa santé, s'aller promener hors de la ville au jardin du gouverneur. Je lui répondis que non seulement il le pouvait, mais qu'il lui était très salutaire de prendre l'air. Si cela est, répliqua-t-il, et que vous vouliez bien me tenir compagnie, je vous conterai là mon histoire. Je repartis que j'étais tout à lui le reste de la journée. Aussitôt, il commanda à ses gens d'apporter de quoi faire la collation, puis nous partîmes et nous rendîmes au jardin du gouverneur. Nous y fîmes 2 ou 3 tours de promenade et, après nous être assis sur un tapis que ces gens étendirent sous un arbre qui faisait un bel ombrage, le jeune homme me fit de cette sorte le récit de son histoire. Je suis né à Moussoul et ma famille est une des plus considérables de la ville. Mon père était l'aîné de 10 enfants que mon aïeul laissa en mourant tous en vie et mariés. Mais de ce grand nombre de frères, mon père fut le seul qui eut des enfants, encore n'eût-il que moi. Il prit un très grand soin de mon éducation et me fit apprendre tout ce qu'un enfant de ma condition ne devait pas ignorer. Sire, dit Scheherazade en se reprenant dans cet endroit, l'aurore qui paraît m'impose silence. À ces mots, elle se tut et le sultan se leva. Fin de la 127e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cent vingt-huitième nuit des Mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland.

Fin de la 130e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cent trente et unième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, le jeune homme de Moussoul continua de raconter son histoire au médecin juif. J'attendis, dit-il, les deux dames avec impatience, et elles arrivèrent enfin à l'entrée de la nuit. Elles se dévoilèrent l'une et l'autre, et si j'avais été surpris de la beauté de la première, j'eus sujet de l'être bien davantage lorsque je vis son amie. Elle avait des traits réguliers, un visage parfait, un teint vif et des yeux si brillants que j'en pouvais à peine soutenir l'éclat. Je la remerciai de l'honneur qu'elle me faisait et la suppliai de m'excuser si je ne la recevais pas comme elle le méritait. Laissons là les compliments, me dit-elle. Ce serait à moi de vous en faire sur ce que vous avez permis que mon ami m'amenât ici. Mais puisque vous voulez bien me souffrir, quittons les cérémonies et ne songeons qu'à nous réjouir. Comme j'avais donné ordre qu'on nous servît la collation d'abord que les dames seraient arrivées, nous nous mîmes bientôt à table. J'étais vis-à-vis de la nouvelle venue qui ne cessait de me regarder en souriant. Je ne pus résister à ses regards vainqueurs et elle se rendit maîtresse de mon cœur sans que je pusse m'en défendre. Mais elle prit aussi de l'amour en m'en inspirant et, loin de se contraindre, elle me dit des choses assez vives. L'autre dame qui nous observait n'en fit d'abord que rire. Je vous l'avais bien dit, s'écria-t-elle en m'adressant la parole, que vous trouveriez mon amie charmante, et je m'aperçois que vous avez déjà violé le serment que vous m'aviez fait de m'être fidèle. Madame, lui répondis-je en riant aussi comme elle, vous auriez sujet de vous plaindre de moi si je manquais de civilité pour une dame que vous m'avez amenée et que vous chérissez. Vous pourriez me reprocher l'une et l'autre que je ne saurais pas faire les honneurs de la maison. Nous continuâmes de boire, mais à mesure que le vin nous échauffait, la nouvelle dame et moi nous nous agacions avec si peu de retenue que son amie en conçut une jalousie violente dont elle nous donna bientôt une marque bien funeste. Elle se leva et sortit en nous disant qu'elle allait revenir. Mais peu de moments après, la dame qui était restée avec moi changea de visage. Il lui prit de grandes convulsions et enfin, elle rendit l'âme entre mes bras, tandis que j'appelais du monde pour m'aider à la secourir. Je sors aussitôt, je demande l'autre dame, mes gens me dirent qu'elle avait ouvert la porte de la rue et qu'elle s'en était allée. Je soupçonnais alors, et rien n'était plus véritable, que c'était elle qui avait causé la mort de son amie. Effectivement, elle avait eu l'adresse et la malice de mettre d'un poison très violent dans la dernière tasse qu'elle lui avait présentée elle-même. Je fus vivement affligé de cet accident. Que ferai-je? Dis-je alors en moi-même. Que vais-je devenir? Comme je crus qu'il n'y avait pas de temps à perdre, je fis lever par mes gens, à la clarté de la lune et sans bruit, une des grandes pièces de marbre dont la cour de ma maison était pavée. Et je fis creuser en diligence une fosse où ils enterrèrent le corps de la jeune dame. Après qu'on eut remis la pièce de marbre, je pris un habit de voyage avec tout ce que j'avais d'argent et je fermai tout jusqu'à la porte de ma maison que je scellai et cachetai de mon sceau. J'allai trouver le marchand joaillier qui en était propriétaire. Je lui payai ce que je lui devais de loyer avec une année d'avance et lui donnant la clef, je le priai de me la garder. Une affaire pressante, lui dis-je, m'oblige à m'absenter pour quelque temps. Il faut que j'aille trouver mes oncles au Caire. Enfin, je pris congé de lui et, dans le moment, je montai à cheval et partis avec mes gens qui m'attendaient. Le jour qui commençait à paraître imposa silence à Scheherazade en cet endroit. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette sorte. Fin de la 131e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.

Après sa mort, comme j'étais à la fleur de mon âge, j'eus la curiosité de voyager. Je parcourus toute la Perse et allai dans les Indes, et enfin je suis venu m'établir dans votre capitale, où j'exerce avec honneur la profession de médecin. » Le sultan de Casgar trouva cette dernière histoire assez agréable. « J'avoue, dit-il au juif, que ce que tu viens de me raconter est extraordinaire. Mais franchement, l'histoire du bossu l'est encore davantage, et bien plus réjouissante. Ainsi n'espère pas que je te donne la vie non plus qu'aux autres. Je vais vous faire pendre tous quatre. » « Attendez de grâce, sire !» s'écria le tailleur en s'avançant et se prosternant aux pieds du sultan. « Puisque votre majesté aime les histoires plaisantes, celle que j'ai à lui conter ne lui déplaira pas. »« Je veux bien t'écouter aussi, » lui dit le sultan. « Mais ne te flatte pas que je ne te laisse vivre, à moins que tu ne me dises quelque aventure plus divertissante que celle du bossu. » Alors le tailleur, comme s'il eût été sûr de son fait, prit la parole avec confiance et commença son discours dans ces termes. Histoire que raconta le tailleur. Sire, un bourgeois de cette ville me fit l'honneur, il y a 2 jours, de m'inviter à un festin qu'il donnait hier matin à ses amis. Je me rendis chez lui de très bonne heure, et j'y trouvai environ 20 personnes. Nous n'attendions plus que le maître de la maison qui était sorti pour quelque affaire, lorsque nous le vîmes arriver accompagné d'un jeune étranger très proprement habillé, fort bien fait, mais boiteux. Nous nous levâmes tous, et pour faire honneur au maître du logis, nous priâmes le jeune homme de s'asseoir avec nous sur le sofa. Il était prêt à le faire lorsque, apercevant un barbier qui était de notre compagnie, il se retira brusquement en arrière et voulut sortir. Le maître de la maison, surpris de son action, l'arrêta. « Où allez-vous ? » lui dit-il. « Je vous amène avec moi pour me faire l'honneur d'être d'un festin que je donne à mes amis, et à peine êtes-vous entré que vous voulez sortir ?»« Seigneur, répondit le jeune homme, au nom de Dieu, je vous supplie de ne pas me retenir et de permettre que je m'en aille. Je ne puis voir sans horreur cet abominable barbier que voilà. Quoiqu'il soit né dans un pays où tout le monde est blanc, il ne laisse pas de ressembler à un Éthiopien. Mais il a l'âme encore plus noire et plus horrible que le visage. » Le jour qui parut en cet endroit empêcha Scheherazade d'en dire davantage cette nuit. Mais la nuit suivante, elle reprit ainsi sa narration. Fin de la 134e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cent-trente-cinquième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. Nous demeurâmes tous fort surpris de ce discours, continua le tailleur, et nous commençâmes à concevoir une très mauvaise opinion du barbier, sans savoir si le jeune étranger avait raison de parler de lui dans ces termes. Nous protestâmes même que nous ne souffririons point à notre table un homme dont on nous faisait un si horrible portrait. Le maître de la maison pria l'étranger de nous apprendre le sujet qu'il avait de haïr le barbier. « Mais, seigneur, nous dit alors le jeune homme, vous saurez que ce maudit barbier est cause que je suis boiteux et qu'il m'est arrivé la plus cruelle affaire qu'on puisse imaginer. C'est pourquoi j'ai fait serment d'abandonner tous les lieux où il serait et de ne pas demeurer même dans une ville où il demeurerait. C'est pour cela que je suis sorti de Bagdad où je le laissais et que j'ai fait un si long voyage pour venir m'établir en cette ville, au milieu de la grande Tartarie, comme en un endroit où je me flattais de ne le voir jamais. Cependant, contre mon attente, je le trouve ici. Cela m'oblige, mes seigneurs, à me priver malgré moi de l'honneur de me divertir avec vous. Je veux m'éloigner de votre ville dès aujourd'hui et m'aller coucher, si je puis, dans des lieux où ils ne viennent pas s'offrir à ma vue. » En achevant ces paroles, il voulut nous quitter, mais le maître du logis le retint encore, le supplia de demeurer avec nous et de nous raconter la cause de l'aversion qu'il avait pour le barbier, qui pendant tout ce temps-là avait les yeux baissés et gardait le silence. Nous joignîmes nos prières à celles du maître de la maison, et enfin le jeune homme, cédant à nos instances, s'assit sur le sofa et nous raconta ainsi son histoire, après avoir tourné le dos au barbier, de peur de le voir. Mon père tenait dans la ville de Bagdad un rang à pouvoir aspirer aux premières charges, mais il préféra toujours une vie tranquille à tous les honneurs qu'il pouvait mériter. Il n'eut que moi d'enfant, et quand il mourut, j'avais déjà l'esprit formé, et j'étais en âge de disposer des grands biens qu'il m'avait laissés. Je ne les dissipai point follement, j'en fis un usage qui m'attira l'estime de tout le monde. Je n'avais point encore eu de passion, et loin d'être sensible à l'amour, j'avouerai peut-être à ma honte que j'évitais avec soin le commerce des femmes. Un jour que j'étais dans une rue, je vis venir devant moi une grande troupe de dames, pour ne pas les rencontrer, j'entrai dans une petite rue devant laquelle je me trouvais, et je m'assis sur un banc près d'une porte. J'étais vis-à-vis d'une fenêtre où il y avait un vase de très belles fleurs, et j'avais les yeux attachés dessus lorsque la fenêtre s'ouvrit. Je vis paraître une jeune dame dont la beauté m'éblouit. Elle jeta d'abord les yeux sur moi, et, arrosant le vase de fleurs d'une main plus blanche que l'albâtre, elle me regarda avec un sourire qui m'inspira autant d'amour pour elle que j'avais eu d'aversion jusque-là pour toutes les femmes. Après avoir arrosé ses fleurs et m'avoir lancé un regard plein de charme qui acheva de me percer le cœur, elle referma sa fenêtre et me laissa dans un trouble et dans un désordre inconcevable. J'y serais demeuré bien longtemps si le bruit que j'entendis dans la rue ne m'eût pas fait rentrer en moi-même. Je tournai la tête en me levant et vis que c'était le premier cadi de la ville, monté sur une mule et accompagné de 5 ou 6 de ses gens. Il mit pied à terre à la porte de la maison dont la jeune dame avait ouvert une fenêtre. Il y entra, ce qui me fit juger qu'il était son père. Je revins chez moi dans un état bien différent de celui où j'étais lorsque j'en étais sorti, agité d'une passion d'autant plus violente que je n'en avais jamais senti l'atteinte. Je me mis au lit avec une grosse fièvre qui répandit une grande affliction dans mon domestique. Mes parents, qui m'aimaient, alarmés d'une maladie si prompte, accoururent en diligence et m'importunèrent fort pour en apprendre la cause, que je me gardai bien de leur dire. Mon silence leur causa une inquiétude que les médecins ne purent dissiper, parce qu'ils ne connaissaient rien à mon mal, qui ne fit qu'augmenter par leurs remèdes au lieu de diminuer. Mes parents commençaient à désespérer de ma vie lorsqu'une vieille dame de leur connaissance, informée de ma maladie, arriva. Elle me considéra avec beaucoup d'attention, et après m'avoir bien examinée, elle connut, je ne sais par quel hasard, le sujet de ma maladie. Elle les prit en particulier, les pria de la laisser seule avec moi et de faire retirer tous mes gens. Tout le monde étant sorti de la chambre, elle s'assit au chevet de mon lit. « Mon fils, me dit-elle, vous vous êtes obstiné jusqu'à présent à cacher la cause de votre mal, mais je n'ai pas besoin que vous me la déclariez. J'ai assez d'expérience pour pénétrer ce secret, et vous ne me désavouerez pas quand je vous aurai dit que c'est l'amour qui vous rend malade. Je puis vous procurer votre guérison, pourvu que vous me fassiez connaître qui est l'heureuse dame qui a su toucher un cœur aussi insensible que le vôtre. Car vous avez la réputation de ne pas aimer les dames, et je n'ai pas été la dernière à m'en apercevoir. Mais enfin, ce que j'avais prévu est arrivé, et je suis ravie de trouver l'occasion d'employer mes talents à vous tirer de peine. Messire, dit la sultane Scheherazade en cet endroit, je vois qu'il est jour. » Schahriar se leva aussitôt, fort impatient d'entendre la suite d'une histoire dont il avait écouté le commencement avec plaisir. Fin de la 135e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Nuit des mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. « Sire, dit le lendemain Scheherazade, le jeune homme boiteux poursuivant son histoire. La vieille dame, dit-il, m'ayant tenu ce discours, s'arrêta pour entendre ma réponse. Mais quoiqu'il eût fait sur moi beaucoup d'impression, je n'osais découvrir le fond de mon cœur. Je me tournai seulement du côté de la dame et poussai un grand soupir sans lui rien dire. « Est-ce la honte, reprit-elle, qui vous empêche de parler, ou si c'est manque de confiance en moi ? Doutez-vous de l'effet de ma promesse ? Je pourrais vous citer une infinité de jeunes gens de votre connaissance qui ont été dans la même peine que vous et que j'ai soulagés. » Enfin, la bonne dame me dit tant d'autres choses encore que je rompis le silence. Je lui déclarai mon mal, je lui appris l'endroit où j'avais vu l'objet qui le causait, et lui expliquai toutes les circonstances de mon aventure. « Si vous réussissez, lui dis-je, et que vous me procuriez le bonheur de voir cette beauté charmante et de l'entretenir de la passion dont je brûle pour elle, vous pouvez compter sur ma reconnaissance. « Mon fils, me répondit la vieille dame, je connais la personne dont vous me parlez. Elle est, comme vous l'avez fort bien jugé, fille du premier cadi de cette ville. Je ne suis point étonné que vous l'aimiez. C'est la plus belle et la plus aimable dame de Bagdad. Mais ce qui me chagrine, elle est très fière et d'un très difficile accès. Vous savez combien nos gens de justice sont exacts à faire observer les dures lois qui retiennent les femmes dans une contrainte si gênante. ils le sont encore davantage à les faire observer eux-mêmes dans leur famille, et le cadi que vous avez vu est lui seul plus rigide en cela que tous les autres ensemble. Comme ils ne font que prêcher à leurs filles que c'est un grand crime de se montrer aux hommes, elles en sont si fortement prévenues, pour la plupart, qu'elles n'ont des yeux dans les rues que pour se conduire lorsque la nécessité les oblige à sortir. Je ne dis pas absolument que la fille du premier cadi soit de cette humeur, mais cela n'empêche pas que je ne craigne de trouver d'aussi grands obstacles à vaincre de son côté que de celui de son père. Plût à Dieu que vous aimassiez quelque autre dame, je n'aurai pas tant de difficultés à surmonter que j'en prévois. J'y emploierai néanmoins tout mon savoir-faire, mais il faudra du temps pour y réussir. Cependant, ne laissez pas de prendre courage, et ayez de la confiance en moi. » La vieille me quitta, et comme je me représentais vivement tous les obstacles dont elle venait de me parler, la crainte que j'eus qu'elle ne réussît pas dans son entreprise augmenta mon mal. Elle revint le lendemain, et je lus sur son visage qu'elle n'avait rien de favorable à m'annoncer. En effet, elle me dit, « Mon fils, je ne m'étais pas trompé. J'ai à surmonter autre chose que la vigilance d'un père. Vous aimez un objet insensible qui se plaît à faire brûler d'amour pour elle tous ceux qui s'en laissent charmer. Elle ne veut pas leur donner le moindre soulagement. Elle m'a écouté avec plaisir tant que je ne lui ai parlé que du mal qu'elle vous fait souffrir. Mais d'abord que j'ai seulement ouvert la bouche pour l'engager à vous permettre de la voir et de l'entretenir, elle m'a dit en me jetant un regard terrible, « Vous êtes bien hardi de me faire cette proposition. Je vous défends de me revoir jamais si vous voulez me tenir de pareils discours. » « Que cela ne vous afflige pas, poursuivit la vieille, je ne suis pas aisée à rebuter, et pourvu que la patience ne vous manque pas, j'espère que je viendrai à bout de mon dessein. » Pour abréger ma narration, dit le jeune homme, je vous dirai que cette bonne ménagère fit encore inutilement plusieurs tentatives en ma faveur auprès de la fière ennemie de mon repos. Le chagrin que j'en eus irrita mon mal à un point que les médecins m'abandonnèrent absolument. J'étais donc regardé comme un homme qui n'attendait que la mort, lorsque la vieille me vint donner la vie. Afin que personne ne l'entendît, elle me dit à l'oreille, « Songez au présent que vous avez à me faire pour la bonne nouvelle que je vous apporte. » Ces paroles produisirent un effet merveilleux. Je me levai sur mon séant et lui répondis avec transport, « Le présent ne vous manquera pas. Qu'avez-vous à me dire ?»« Mon cher seigneur, reprit-elle, vous n'en mourrez pas, et j'aurai bientôt le plaisir de vous voir en parfaite santé et fort content de moi. Hier, lundi, j'allai chez la dame que vous aimez, et je la trouvai en bonne humeur. Je pris d'abord un visage triste, je poussai de profonds soupirs en abondance, et laissai couler quelques larmes. « Ma bonne mère, me dit-elle, qu'avez-vous? Pourquoi paraissez-vous si affligée ?»« Hélas, ma chère et honorable dame, lui répondis-je, je viens de chez le jeune seigneur de qui je vous parlais l'autre jour. C'en est fait, il va perdre la vie pour l'amour de vous. C'est un grand dommage, je vous assure, et il y a bien de la cruauté de votre part. » « Je ne sais, répliqua-t-elle, pourquoi vous voulez que je sois cause de sa mort? Comment puis-je y contribuer ?»« Comment ? » lui repartis-je. « Hé, ne vous disais-je pas l'autre jour qu'il était assis devant votre fenêtre lorsque vous l'ouvrîtes pour arroser votre vase de fleurs ?» Il vit ce prodige de beauté, ces charmes que votre miroir vous représente tous les jours. Depuis ce moment, il languit, et son mal s'est tellement augmenté qu'il est enfin réduit au pitoyable état que j'ai l'honneur de vous dire. » Scheherazade cessa de parler en cet endroit, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle poursuivit en ces termes l'histoire du jeune boiteux de Bagdad. Fin de la 136e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. Sire, la vieille dame continuant de rapporter au jeune homme malade d'amour l'entretien qu'elle avait eu avec la fille du cadi. « Vous vous souvenez bien, madame, ajoutai-je, avec quelle rigueur vous me traitâtes dernièrement lorsque je voulus vous parler de sa maladie et vous proposer un moyen de le délivrer du danger où il était. Je retournai chez lui après vous avoir quitté, et il ne connut pas plus tôt en me voyant que je ne lui apportais pas une réponse favorable, que son mal en redoubla. Depuis ce temps-là, madame, il est prêt à perdre la vie, et je ne sais si vous pourriez la lui sauver quand vous auriez pitié de lui. » Voilà ce que je lui dis, ajouta la vieille. La crainte de votre mort l'ébranla, et je vis son visage changer de couleur. « Ce que vous me racontez, dit-elle, est-il bien vrai? Et n'est-il effectivement malade que pour l'amour de moi? Ah, madame, repartis-je, cela n'est que trop véritable. Plût à Dieu que cela fût faux. Et croyez-vous, reprit-elle, que l'espérance de me voir et de me parler pût contribuer à le tirer du péril où il est? Peut-être bien, lui dis-je, et si vous me l'ordonnez, j'essaierai ce remède. Eh bien, répliqua-t-elle en soupirant, faites-lui donc espérer qu'il me verra. Mais il ne faut pas qu'il s'attende à d'autres faveurs, à moins qu'il n'aspire à m'épouser et que mon père le consente à ce mariage. « Madame, m'écriai-je, vous avez bien de la bonté. Je vais trouver ce jeune seigneur et lui annoncer qu'il aura le plaisir de vous entretenir. » « Je ne vois pas un temps plus commode à lui faire cette grâce, dit-elle, que vendredi prochain, pendant que l'on fera la prière de midi. Qu'il observe quand mon père sera sorti pour y aller, et qu'il vienne aussitôt se présenter devant la maison, s'il se porte assez bien pour cela. Je le verrai arriver par ma fenêtre, et je descendrai pour lui ouvrir. Nous nous entretiendrons durant le temps de la prière, et il se retirera avant le retour de mon père. « Nous sommes au mardi, continua la vieille. Vous pouvez jusqu'à vendredi reprendre vos forces et vous disposer à cette entrevue. » À mesure que la bonne dame parlait, je sentais diminuer mon mal, ou plutôt je me trouvais guéri à la fin de son discours. « Prenez, lui dis-je, en lui donnant ma bourse qui était toute pleine. C'est à vous seul que je dois ma guérison. Je tiens cet argent mieux employé que celui que j'ai donné aux médecins, qui n'ont fait que me tourmenter pendant ma maladie. » La dame m'ayant quitté, je me sentis assez de force pour me lever. Mes parents, ravis de me voir en si bon état, me firent des compliments et se retirèrent chez eux. Le vendredi matin, la vieille arriva dans le temps que je commençais à m'habiller et que je choisissais l'habit le plus propre de ma garde-robe. « Je ne vous demande pas, me dit-elle, comment vous vous portez. L'occupation où je vous vois me fait assez connaître ce que je dois penser là-dessus. Mais ne vous baignerez-vous pas avant que d'aller chez le premier cadi ? Cela consumerait trop de temps, lui répondis-je. Je me contenterai de faire venir un barbier et de me faire raser la tête et la barbe. Aussitôt, j'ordonnai à un de mes esclaves d'en chercher un qui fût habile dans sa profession et fort expéditif. L'esclave m'amena ce malheureux barbier que vous voyez, qui me dit après m'avoir salué, « Seigneur, il paraît à votre visage que vous ne vous portez pas bien. » Je lui répondis que je sortais d'une maladie. « Je souhaite, reprit-il, que Dieu vous délivre de toutes sortes de maux et que sa grâce vous accompagne toujours. « J'espère, lui répliquai-je, qu'il exaucera ce souhait dont je vous suis fort obligé. « Puisque vous sortez d'une maladie, dit-il, je prie Dieu qu'il vous conserve la santé. Dites-moi présentement de quoi il s'agit. J'ai apporté mes rasoirs et mes lancettes. Souhaitez-vous que je vous rase ou que je vous tire du sang ?»« Je viens de vous dire, repris-je, que je sors de maladie, et vous devez bien juger que je ne vous ai fait venir que pour me raser. Dépêchez-vous et ne perdons pas le temps à discourir, car je suis pressé et l'on m'attend à midi précisément. » Scheherazade se tut en achevant ses paroles, à cause du jour qui paraissait. Le lendemain, elle reprit son discours de cette sorte. Fin de la 137e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cent-trente-huitième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. Le barbier, dit le jeune boiteux de Bagdad, employa beaucoup de temps à déplier sa trousse et à préparer ses rasoirs. Au lieu de mettre de l'eau dans son bassin, il tira de sa trousse un astrolabe fort propre, sortit de ma chambre, et alla au milieu de la cour d'un pas grave prendre la hauteur du soleil. Il revint avec la même gravité, et en rentrant, « Vous serez bien aise, seigneur, me dit-il, d'apprendre que nous sommes aujourd'hui au vendredi 18e de la lune de Safar, de l'an 653, depuis la retraite de notre grand prophète de la Mecque à Médine, et de l'an 732, de l'époque du grand Iskender aux deux cornes, et que la conjonction de Mars et de Mercure signifie que vous ne pouvez pas choisir un meilleur temps qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour vous faire raser. Mais d'un autre côté, cette même conjonction est d'un mauvais présage pour vous. Elle m'apprend que vous courez en ce jour un grand danger, non pas véritablement de perdre la vie, mais d'une incommodité qui vous durera le reste de vos jours. Vous devez m'être obligé de l'avis que je vous donne de prendre garde à ce malheur. je serais fâché qu'il vous arrivât. Jugez, mes seigneurs, du dépit que j'eus d'être tombé entre les mains d'un barbier si babillard et si extravagant. Quel fâcheux contretemps pour un amant qui se préparait à un rendez-vous! J'en fus choqué. Je me mets peu en peine, lui dis-je en colère, de vos avis et de vos prédictions. Je ne vous ai point appelé pour vous consulter sur l'astrologie. Vous êtes venu ici pour me raser. Ainsi, rasez-moi ou vous retirez, que je fasse venir un autre barbier. Seigneur, me répondit-il avec un flegme à me faire perdre patience, quel sujet avez-vous de vous mettre en colère? Savez-vous bien que tous les barbiers ne me ressemblent pas, et que vous n'en trouveriez pas un pareil quand vous le feriez faire exprès? Vous n'avez demandé qu'un barbier, et vous avez en ma personne le meilleur barbier de Bagdad, un médecin expérimenté, un chimiste très profond, un astrologue qui ne se trompe point, un grammairien achevé, un parfait rhétoricien, un logicien subtil, un mathématicien accompli dans la géométrie, dans l'arithmétique, dans l'astronomie et dans tous les raffinements de l'algèbre, un historien qui sait l'histoire de tous les royaumes de l'univers. Outre cela, je possède toutes les parties de la philosophie. J'ai dans ma mémoire toutes nos lois et toutes nos traditions. Je suis poète, architecte. Mais que ne suis-je pas? Il n'y a rien de caché pour moi dans la nature. Feu, monsieur votre père, à qui je rends un tribut de mes larmes toutes les fois que je pense à lui, était bien persuadé de mon mérite. Il me chérissait, me caressait, et ne cessait de me citer dans toutes les compagnies où il se trouvait comme le premier homme du monde. Je veux, par reconnaissance et par amitié pour lui, m'attacher à vous, vous prendre sous ma protection et vous garantir de tous les malheurs dont les astres pourront vous menacer. » À ce discours, malgré ma colère, je ne pus m'empêcher de rire. « Aurez-vous donc bientôt achevé, babillard importun ? » m'écriai-je. « Et voulez-vous commencer à me raser ?» En cet endroit, Scheherazade cessa de poursuivre l'histoire du boiteux de Bagdad, parce qu'elle aperçut le jour. Mais la nuit suivante, elle en reprit ainsi la suite. Fin de la 138e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezoie. Le jeune boiteux continuant son histoire. « Seigneur, me répliqua le barbier, vous me faites une injure en m'appelant babillard. Tout le monde, au contraire, me donne l'honorable titre de silencieux. J'avais 6 frères que vous auriez pu avec raison appeler babillard, et afin que vous les connaissiez, l'aîné se nommait Bacbouc, le second Bacbara, le troisième Bacbac, le quatrième Alcouz, le cinquième Alnachar, et le sixième Chakabac. C'étaient des discoureurs importuns. Mais moi qui suis leur cadet, je suis grave et concis dans mes discours. » De grâce, mes seigneurs, mettez-vous à ma place. Quel parti pouvais-je prendre en me voyant si cruellement assassiné? Donnez-lui 3 pièces d'or, dis-je à celui de mes esclaves qui faisait la dépense de ma maison. Qu'il s'en aille et me laisse en repos. Je ne veux plus me faire raser aujourd'hui. Seigneur, me dit alors le barbier, qu'entendez-vous, s'il vous plaît, par ce discours? Ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher. C'est vous qui m'avez fait venir, et cela étant ainsi, je jure, foi de musulman, que je ne sortirai point de chez vous que je ne vous ai rasé. Si vous ne connaissez pas ce que je vaux, ce n'est pas ma faute. Feu, monsieur votre père, me rendait plus de justice. Toutes les fois qu'il m'envoyait quérir pour lui tirer du sang, il me faisait asseoir auprès de lui, et alors c'était un charme d'entendre les belles choses dont je l'entretenais. Je le tenais dans une admiration continuelle. Je l'enlevais, et quand j'avais achevé, « Ah ! S'écriait-il, vous êtes une source inépuisable de science. Personne n'approche de la profondeur de votre savoir. » « Mon cher seigneur, lui répondais-je, vous me faites plus d'honneur que je ne mérite. Si je dis quelque chose de beau, j'en suis redevable à l'audience favorable que vous avez la bonté de me donner. Ce sont vos libéralités qui m'inspirent toutes ces pensées sublimes qui ont le bonheur de vous plaire. Un jour qu'il était charmé d'un discours admirable que je venais de lui faire, « Qu'on lui donne, dit-il, 100 pièces d'or, et qu'on le revêtisse d'une de mes plus riches robes. » Je reçus ce présent sur-le-champ. Aussitôt je tirai son horoscope, et je le trouvai le plus heureux du monde. Je poussai même encore plus loin la reconnaissance, car je lui tirai du sang avec les ventouses. Il n'en demeura pas là. Il enfila un autre discours qui dura une grosse demi-heure.

et recommença de me raser. Mais en me rasant, il ne put s'empêcher de parler. « Si vous vouliez, seigneur, me dit-il, m'apprendre quelle est cette affaire que vous avez à midi, je vous donnerai quelques conseils dont vous pourriez vous trouver bien. » Pour le contenter, je lui dis que des amis m'attendaient à midi pour me régaler et se réjouir avec moi du retour de ma santé. Quand le barbier entendit parler de régal, « Dieu vous bénisse en ce jour comme en tous les autres, » s'écria-t-il. « Vous me faites souvenir que j'invitais hier 4 ou 5 amis à venir manger aujourd'hui chez moi. Je l'avais oublié, et je n'ai encore fait aucun préparatif. »« Que cela ne vous embarrasse pas, lui dis-je. Quoique j'aille manger dehors, mon garde-manger ne laisse pas d'être toujours bien garni. Je vous fais présent de tout ce qui s'y trouvera. Je vous ferai même donner du vin tant que vous en voudrez, car j'en ai d'excellents dans ma cave. Mais il faut que vous acheviez promptement de me raser, et souvenez-vous qu'au lieu que mon père vous faisait des présents pour vous entendre parler, je vous en fais, moi, pour vous faire taire. » Il ne se contenta pas de la parole que je lui donnais. « Dieu vous récompense, s'écria-t-il, de la grâce que vous me faites. Mais montrez-moi tout à l'heure ces provisions, afin que je voie s'il y aura de quoi bien régaler mes amis. Je veux qu'ils soient contents de la bonne chère que je leur ferai. J'ai, lui dis-je, un agneau, 6 chapons, 12 de poulets et de quoi faire 4 entrées. Je donnai ordre à un esclave d'apporter tout cela sur-le-champ avec 4 grandes cruches de vin. « Voilà qui est bien, reprit le barbier, mais il faudrait des fruits et de quoi assaisonner la viande. » Je lui fis encore donner ce qu'il demandait. Il cessa de me raser pour examiner chaque chose l'une après l'autre, et comme cet examen dura près d'une demi-heure, je pestais, j'enrageais, mais j'avais beau pester et enrager, le bourreau ne s'empressait pas davantage. Il reprit pourtant le rasoir et me rasa quelques moments, puis, s'arrêtant tout à coup, « Je n'aurais jamais cru, seigneur, me dit-il, que vous fussiez libéral. Je commence à connaître que feu monsieur votre père revit en vous. Certes, je ne méritais pas les grâces dont vous me comblez, et je vous assure que j'en conserverai une éternelle reconnaissance. Car, seigneur, afin que vous le sachiez, je n'ai rien que ce qui me vient de la générosité des honnêtes gens comme vous. En quoi je ressemble à Zantout, qui frotte le monde au bain, à Sali qui vend des pois chiches grillés par les rues, à Salout qui vend des fèves, à Akersha qui vend des herbes, à Abou Mekares qui arrose les rues pour abattre la poussière, et à Kassem de la garde du calife. Tous ces gens-là n'engendrent point de mélancolie. Ils ne sont ni fâcheux ni querelleurs. Plus contents de leur sort que le calife au milieu de toute sa cour, ils sont toujours gais, prêts à chanter et à danser, et ils ont chacun leur chanson et leur danse particulière dont ils divertissent toute la ville de Bagdad. Mais ce que j'estime le plus en eux, c'est qu'ils ne sont pas grands parleurs, non plus que votre esclave, qui a l'honneur de vous parler. Tenez, seigneur, voici la chanson et la danse de Zantout qui frotte le monde au bain. Regardez-moi, et voyez si je sais bien l'imiter. » Scheherazade n'en dit pas davantage, parce qu'elle remarqua qu'il était jour. Le lendemain, elle poursuivit sa narration dans ces termes. Fin de la 141e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cent-quarante-deuxième nuit des mille et une nuits, tome premier, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Le barbier chanta la chanson et dansa la danse de Zantout, continua le jeune boiteux, et quoi que je puisse dire pour l'obliger à finir ses bouffonneries, il ne cessa pas qu'il n'eût contrefait de même tous ceux qu'il avait nommés. Après cela, s'adressant à moi, « Seigneur, me dit-il, je vais faire venir chez moi tous ces honnêtes gens. Si vous m'en croyez, vous serez des nôtres, et vous laisserez là vos amis, qui sont peut-être de grands parleurs, qui ne feront que vous étourdir par leurs ennuyeux discours, et vous faire retomber dans une maladie pire que celle dont vous sortez, au lieu que chez moi, vous n'aurez que du plaisir. » Malgré ma colère, je ne pus m'empêcher de rire de ces folies. « Je voudrais, lui dis-je, n'avoir pas à faire. J'accepterai la proposition que vous me faites. J'irai de bon cœur me réjouir avec vous. Mais je vous prie de m'en dispenser. Je suis trop engagé aujourd'hui. Je serai plus libre un autre jour, et nous ferons cette partie. Achevez de me raser, et hâtez-vous de vous en retourner. Vos amis sont déjà peut-être dans votre maison. » « Seigneur, reprit-il, ne me refusez pas la grâce que je vous demande. Venez vous réjouir avec la bonne compagnie que je dois avoir. Si vous vous étiez trouvé une fois avec ces gens-là, vous en seriez si content que vous renonceriez pour eux à vos amis. » « Ne parlons plus de cela, lui répondis-je, je ne puis être de votre festin. » Je ne gagnai rien par la douceur.